succès et ses reprises les plus originales. C2L. C2L. C2L. La radio entre Loire et Loing. I never felt this when your heart is next to mine. Beat on the same time. Together they hide. Recreate a cocoon. Just under the moon. They have freedom of the playground. They ride another round. Heartbeat, the beginning of all things. When two of them are on the same music, and the feeling that is shared is love. And now I can see something. It is pleasure, pleasure. Now I can see something in your eyes. Could you read mine? It's pleasure. Thank you. ses deux ailes. Il est 15h. Bonjour à tous. 5 départements de l'Est de la France sont placés en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France. Il s'agit de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura. Cet épisode pluvio-orageux débutera dans la soirée et va s'étendre jusque demain matin. Selon l'Institut météorologique, ces intempéries nécessitent une attention particulière en raison de l'importance des cumuls de pluie attendus sur une courte durée. Un débat au sujet du conflit entre Israël et la Palestine doit s'engager cet après-midi à l'Assemblée nationale. Avec une déclaration de la Première ministre Elisabeth Borne. Il promet d'être animé après les dernières déclarations polémiques de Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Il a accusé Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. L'agence du médicament alerte sur l'utilisation de traitements pour soulager un rhume. La prise de Dolirhum, Humex, Rhume ou encore Actifed jour et nuit peut causer dans des cas rares des infarctus ou bien des AVC. Alors pour éviter tout risque, médecins et pharmaciens recommandent d'éviter la prise de ces traitements dits vasoconstricteurs et de revenir à des méthodes naturelles telles que le lavage de nez. À Strasbourg, l'adolescent qui a été arrêté jeudi dernier avec un couteau près de la synagogue a été mis en examen et placé en centre éducatif fermé. Pour rappel, un CRS l'avait vu frotter la lame de son couteau sur les barrières métalliques entourant le bâtiment avant de dissimuler l'arme dans sa manche. En garde à vue, il a affirmé avoir retrouvé l'arme par hasard dans sa poche et a assuré qu'il ignorait que le bâtiment était une synagogue. Par ailleurs, on apprend ce matin que 183 élèves ne feront pas leur rentrée après la Toussaint. En cause, leur comportement lors de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard et de Samuel Paty, deux professeurs tués par des terroristes. Du ricanement aux menaces des morts, les élèves en cause ne reviendront pas en classe tant qu'ils ne seront pas passés devant un conseil de discipline, selon Gabriel Attal hier. Et puis sport et football, Monaco reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire contre Metz 2-1. A noter également cette nouvelle défaite de Lyon hier soir 2-1 face à Clermont-Ferrand en clôture de la 9e journée de championnat. C2L. C2L. Depuis Chalette, la radio entre Loire et Loing. Faire le pas de deux, le pas de côté, cœur et poing levé, partir en fumée, foncer, t'aimer, oh, fuguer, le ruban perdu, je l'avais trouvé, dans tes cheveux défaits, aux miens emmêlés, ouais. Et je cours là dans ma tête, jour, nuit, je fais le tour du tête-à-tête, sans aucun répit. Oui, je cours là dans ma tête. Je cherche encore ouais, ta planète. Fuguer, crochet, décrocher pour toi m'accrocher. Sur ton étoile filée, sur mes pieds danser. T'aimer, t'aimer, t'aimer, t'aimer. Oh, fuguer, le ruban, je veux plus jamais le dénouer. Perdu et perdu, je m'en fous, j'ai signé. Fuguer. Toi et moi, tu sais, c'est pas du chiquet. Du jamais, de jamais, oh, je le sais. Et je cours là dans ma tête. Jour, nuit, je fais le tour du tête à tête. Sans aucun répit. Oui, je cours là dans ma tête. Je cherche encore ouais, ta planète. Je cours là dans ma tête. Jour, nuit, je fais le tour du tête à tête. Oui, je cours là dans ma tête. Je cours, rien ne m'arrête. Je cherche encore où est ta planète. Je cours là dans ma tête. Jour, nuit, je fais le tour du tête-à-tête. Sans aucun répit. Oui, je cours là dans ma tête. Je cherche encore où est ta planète. C2L Radio. De la pop, du rock et des hits. C2L. J'ai

C2L Radio. Depuis Chalette, entre Loire et Loing. Being a color. Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. C2L-radio.fr C2L Radio. Au mois d'août en Espagne, je sens comme un vide. C2L. C2L Radio. 89.3. Depuis Chalette, entre Loire et Loing. Entre Loire et Loing. Ici, c'est la guerre. parachutistes dans le métro, dans les stations RER. Les Kalachnikovs fument des mégots, elles en ont marre de se taire. Au milieu du quai, certains disent leur dernière prière. D'autres dorment sur des 8-6 et des tracts de force ouvrière. Les gens se parlent mal, se regardent mal comme les moutons dans le bétail. Qui savent qu'est venue l'heure de ne plus faire dans le détail. Y'a plus d'amour, plus de salive, y'a que des corps qui se chevauchent. Ici c'était triste, putain où est passée la gauche. Ici c'est la guerre. Ne donneront rien, de toute façon ils sont trop dans les clous. Toi qui penses être épargné, tu m'en dis comme tout le monde. Des heures perdues à gagner, des salaires pathétiques qui jamais ne gonflent. Il est où le signal d'alarme? Il n'y a même plus de colère. Génération MTV, génération somnifère. On vous ordonne de vous taire dans l'estime de vous-même, dans l'estime de la thune, dans l'estime de la merde. Ici c'est la guerre. La beauté du monde avec ce joli refrain. Souriez, obéissez, vous êtes ici, vous êtes filmés, épargnés, dépensés. Si vous avez des livres, les brûlez. Un gun sur la tempe, on vous ordonne que ça vous tente. Les pires tétés chez Disney, les jolis moments de détente. J'ai pas lu Marx ni Lénine, je me fous de la ligne du parti, du régime. Chez moi, plus personne n'est clean. Chiffre du jour. 77. Je vous parle du village espagnol de San Lorenzo de la Parilla, qui est situé à environ 150 km de Madrid, est soudainement devenu le plus riche de sa province. La raison ? Ben, y a un habitant qui a déclaré plus de 10 millions de revenus en 2021, faisant passer la moyenne par habitant de 19 017 euros en 2020 à 37 335 euros. Cette augmentation spectaculaire a suscité beaucoup de mystères et d'incrédulité au sein de la population. L'administration fiscale espagnole publie régulièrement ce classement des villes d'au moins 1000 habitants les plus riches sur la base des déclarations de revenus. Et le village donc de San Lorenzo de la Parilla, qui compte 1066 habitants, était classé 2038e en 2020. Mais en 2021, il s'est soudainement retrouvé à la 77e place de notre chiffre du jour, trustant même la première place dans la province de Cuenca. Et selon le journal espagnol El País, cela est dû à une personne qui a déclaré ce revenu de plus de 10 millions d'euros. Un seul contribuable a changé les statistiques et augmenté la moyenne. L'économie de la ville n'a rien à voir avec ce résultat, a déclaré la maire de la ville, Virginia Martinez. Le mystère demeure quant à l'identité de ce multimillionnaire. Plusieurs rumeurs circulent dans le petit village. Certains pensent qu'il s'agit d'un marchand de marbre, d'autres un vendeur de granit, un fabricant de meubles ou un producteur de pétrole. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'un heureux gagnant d'un jackpot d'euros millions. Affaire à suivre. Le chiffre du jour. L'association Les Amis du Bien-être vous invite à son 8e salon du bien-être et de l'artisanat pour sa première édition les samedis 4 et dimanche 5 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de la Bussière à côté de la mairie. Vous pourrez y rencontrer des acteurs du bien-être tels que magnétiseurs, maîtres Reiki, lithothérapeutes, médiums, géobiologistes, coachs de vie et bien plus encore. Mais aussi des représentants de l'artisanat local et régional. Nos exposants seront heureux de répondre à toutes vos questions. L'entrée est gratuite, restauration sur place avec un traiteur antillais qui vous proposera une grande variété de plats et de boissons exotiques. C'est de Zel Radio 89.3. But C2L Radio. Oh, life begins at 5 to 8. No time to waste, it will not wait. A lay-in that was yesterday. Up a matter into the fray. There'll be no time to catch your breath. The enemy of life is dead. So sweep the hallway, mop the wall. Your destiny's about to cool. The legislation's in the bag. Justice, a toothless old hag. It's every man now on his own. It's all for one. You better run and stand up tall against the wall. And one by one you all shall fall. And though you try to get back home, your cupboard's bare without a bone. C2L Radio. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my part, my party, and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest you better run, run, run, boy, faster than the past, through the looking glass. If you want the night to last, you better run, run, run, boy, faster than the past, through the looking glass. If you want the night to last. I've handed a band, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old time lover and a marathon man, and with the strength of 1,000 men. He's a nightmare hangover, he's a one night stand. He could eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I'm tomorrow's happiness, but we don't break before. before we burn. And tonight your soul is shine. It'll turn nice again. It's only Zelle. Plus près de chez vous. Conseil santé sur C2L Radio. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Émilie. Alors pour cette semaine, quel conseil pour notre santé tu vas nous... Oui, c'est pas très drôle. Ah. Bon, ben parce que c'est un sujet qui fait toujours un petit peu peur, qui peut nous toucher, nos proches et autres. C'est le cancer, mais surtout l'alimentation. Et bien souvent, on entend dire, ben voilà, j'ai un cancer, est-ce qu'il y a des aliments à ne pas manger? On entend beaucoup de conseils là-dessus. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est valable aussi pour les gens qui n'ont pas de cancer, c'est-à-dire, c'est une règle de prévention et de bon sens. D'accord. Tout ce que je vais vous dire. Donc, évidemment, il faut faire attention, et c'est bien connu maintenant, aux aliments très sucrés, notamment au sucre, on va dire, raffiné, industriel, puisque les cellules ont besoin de beaucoup de sucre pour proliférer. Donc, si on a un cancer ou qu'on est en phase de traitement, si on mange trop sucré, trop de sucre dans le sang, il y a un rapport avec l'insuline aussi, eh bien on risque de favoriser le développement du cancer en fait. D'accord, ok. Donc oui. D'une manière générale, déjà pas trop de sucre, mais alors vraiment si on est atteint, on fait très attention. En fait, le cancer se nourrit, c'est un peu ça. On fait également, et ça au niveau écologique c'est plutôt pas mal en ce moment, et même pour le pouvoir d'achat, les viandes, ne pas trop manger de viande et surtout si elles sont transformées. On entend par là acheter des boîtes, des barquettes, des plats tout préparés. Mm-hmm. Il faut manger un petit peu de viande, plutôt de la viande blanche, assez peu, et vraiment l'acheter chez son boucher, et de la viande, on va dire fraîche, que l'on va préparer soi-même. Oui, éviter les plats préparés. Voilà, un bon chevreuil, un bon sanglier en cette saison, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très d'accord, bien. D'accord, très bien. Alors on sait également aussi, par rapport à différentes études, que le risque de métastases dans les cancers sont associés au gras que l'on va manger. notamment si on mange trop d'acides gras transformés, c'est-à-dire par exemple la graisse de palme, des acides gras très durs. Donc il faut manger des bonnes huiles, huile d'olive par exemple, okay, mais faire attention à tout ce qui va être beurre, le gras solide, ce qu'on va trouver dans la viande également, ainsi de suite, ces graisses dites saturées qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. Je vous ai dit aussi qu'il fallait faire gaffe au sucre raffiné, ce qui est blanc, et bien ça va être la même chose avec les céréales et le pain dit blanc. Il va falloir aller plutôt vers du pain complet ou semi-complet, tout comme les pâtes ou le riz d'ailleurs à ce niveau-là. D'accord. Donc ça c'est des conseils de bon sens, et faire attention à la cuisson, tout ce qui va être frit et cuit à haute température. C'est-à-dire ? Ben en fait, parce que tout ce qui est frit et cuit à haute température va former ce qu'on appelle des molécules de Maillard, des acrylamides. Enfin, c'est des noms un peu barbares, mais ce sont des molécules qui sont toxiques et cancérigènes. Donc, si on mange trop de frites, si on mange trop de viande, mais trop cuite, vous voyez, bien brune, tous ces aliments-là, eh bien, ce n'est pas bon du tout, aussi bien dans la prévention que lors du développement d'un cancer. Donc, faites attention à ce niveau-là. Et puis la dernière chose qu'on dira, c'est d'avoir une alimentation le plus naturelle possible, éviter tout ce qui va être produits chimiques, donc les pesticides. Alors c'est vrai que c'est pas facile de manger toujours bio, mais achetez au moins des aliments qui sont chez votre producteur local. Vous lui demandez s'il traite ou s'il traite pas beaucoup. Le petit producteur, c'est toujours bien. Ou l'agriculture dite raisonnée aussi, qui utilise très peu d'intrants, donc c'est une bonne chose. Et puis dernière chose, ne buvez pas trop d'alcool, voire n'en buvez plus du tout. Un verre de temps en temps. Un petit verre de temps en temps, c'est vrai que ça pourrait faire du bien d'après différentes études. Voilà. Faut pas en abuser, c'est comme pour tout. Mais celui qui boit son demi-litre de whisky tous les jours, là évidemment. Bon bah là, faut manger un peu plus de riz complet, de pain complet, histoire de camoufler tout ça. En gros, c'est ce que je répète tout le temps, il faut manger le plus sain, le plus naturel possible. En fait, voilà pour aujourd'hui. Et ben merci pour tous ces bons conseils. Au revoir. C2L Radio. www.c2l-radio.fr. Love, love, wave, love without love. Tu m'avais promis.

camino de plata y promesa, bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. C2L Radio. Il est 16h. De la pop, du rock et des hits. C2L. C2L Radio. C2L Radio. C2L Radio. Brush past me in the hallway, and you don't think I can see it, do you? I've been watching you for ages, and I spend my time trying not to feel it. But what would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? Kept everything professional, but something's changed. It's something I like. They keep watchful eyes on us, so it's best that we move fast and keep quiet. You won't believe half the things I see inside my head. Wait till you see half the things that haven't happened yet. What would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? So I, 'cause I can see you. Écoutez. C2L Radio. Écoutez, depuis Chalette, entre Loire et Loire. Thank you. Yeah, t'entends pas quoi, yeah, c'est Jackie Brown et Benji, les deux necks marrons. Celle-ci c'est un spécial big up pour hip hop sur loin. Calmement, yeah, y'a que de la bonne musique, que du bon son. Jackie Brown qui dit ça, roulez. Retrouvez-nous tous les vendredis de 22h à minuit pour un comeback dans l'âge d'or du hip hop R&B. Johan et Younes, Hip Hop sur Loin, c'est l'émission made by C2L Radio. Salut, c'est Philippe de British Connection, votre émission rock. Ne l'oubliez pas, on se retrouve tous les mercredis à 22h sur C2L. Interview, chronique, exclusivité, album de la semaine, jeu, anecdote, histoire du rock. À mercredi, 22h minuit sur C2L. Remettez la gomme. C2L. C2L Radio. Télé. Ce soir sur TF1, Ahmed Silla dans Classico, l'histoire de Samy Fils, de supporter de l'OM, qui est conçu lorsque Marseille a remporté le trophée de la Ligue des Champions en 93. Il est orphelin depuis que ses parents ont péri lors d'un déplacement pour suivre leur équipe fétiche. Désormais trentenaire, Samy partage son temps entre le foyer pour orphelins, dont il est un des admirateurs, et l'OM, pour lequel il effectue du bénévolat. Quand il apprend que l'orphelinat risque de perdre son financement, il s'en ouvre au président de l'OM qui lui promet d'étudier le sujet. touchés. En attendant, Samy doit participer à l'organisation du prochain déplacement de supporters. France 2, Laurent Gérard dans Mort au sommet. France 3, La soupe aux choux. Canal, la série d'argent et de sang. M6, L'amour est dans le pré. C8, Commissaire Magellan. W9, Vaiana, la légende du bout du monde. Et sur TMC, Thor. Je vous laisse sur votre choix et par avance, une très belle soirée devant votre télévision. Le programme télé. C2L. www.c2l-radio.fr. C2L-radio.fr. Écoutez.

paquet suspect en plein vol. Oui, un vol au départ de Panama devant rallier les États-Unis a dû faire demi-tour vendredi après la découverte d'un paquet suspect dans les toilettes de l'appareil qui s'est avéré être une simple couche pour adultes. Oui, l'autorité de l'aviation civile a d'abord annoncé que le vol entre la capitale Panama et Tampa en Floride avait fait demi-tour en raison d'une alerte à la bombe. Et de retour sur le tarmac, l'avion a été isolé et les passagers promptement débarqués pour laisser place à l'intervention d'une unité de la police spécialisée dans les explosifs après vérification. Il s'agissait d'une couche jetable pour adultes soigneusement enveloppée dans un sac noir. C'est ce qu'a expliqué José Castro, le chef du département de la sécurité aéroportuaire. En guise de preuve, la police a publié sur les réseaux sociaux une photo de la couche sur son emballage noir. Le carton rouge. L'association Les Amis du Bien-être vous invite à son 8e salon du bien-être et de l'artisanat pour sa première édition les samedis 4 et dimanche 5 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de la Bussière à côté de la mairie. Vous pourrez y rencontrer des acteurs du bien-être tels que magnétiseur, maître Reiki, lithothérapeute, médium, géobiologiste, coach de vie et bien plus encore. Mais aussi des représentants de l'artisanat local et régional. Nos exposants seront heureux de répondre à toutes vos questions. L'entrée est gratuite, restauration sur place avec un traiteur antillais qui vous proposera une grande variété de plats et de boissons exotiques. Avis à tous les petits monstres, tenez-vous prêts. Le parc de loisirs Chappie Park de Pifon se métamorphose aux couleurs d'Halloween. Dès 14h, découvrez le Chappie Park avec le carrousel des sorcières, le cortège d'épouvantails ou le chapiteau hanté. Puis débutez la chasse au trésor pour résoudre l'énigme mystérieuse. 14h30, spectacle sous le chapiteau, la légende d'Halloween. Trapéziste, équilibriste, jongleur et magicien vous feront frissonner. 15h30, concours de déguisement avec une remise de prix. Et jusqu'à 18h, profitez de la plaine de jeu, des manèges et rendez-vous au Chappie Snack pour un goûter délicieux. Sortez vos plus beaux déguisements, ou devrais-je dire, vos déguisements les plus effrayants. Du 21 au 31 octobre 2023, réservez sans tarder le Chappie Halloween. De 14h à 18h chaque après-midi, embarquez pour une expérience inoubliable. Renseignements et réservations au 06 20 06 20 24. C'est de Zelle Radio 89.3. Je suis tournant. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je suis tournant. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je suis tournant. Sur la terre entière je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer? Je suis tournant. Pour habiter ma solitude de mon mieux, moi qui ne sais qu'être deux. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm like a child in your arms. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure, tu as tous les droits sur mon cœur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.

De la pop, du rock, du rock et des hits. Hits. C2L. Radio. Mm-hmm. L'instant rock. L'instant rock. Sur C2L Radio. Jean-Louis Aubert dans l'instant rock de cette semaine. En mars 2012, Jean-Louis Aubert reçoit sa première victoire de la musique en solo dans la catégorie spectacle tournée de l'année pour le Rock Éclair Tour. Il sort le 14 avril 2014 son 8e album solo, Les Parages du Vide. Aubert y a mis en musique 16 poèmes de Michel Houellebecq, extraits de son recueil Configuration du dernier rivage. En juillet 2014, l'album est certifié 10 de platine, 3 singles sortiront comme Isolement, Manu et Voilà ce sera toi. Justement, on écoute ce titre. Au fond, j'ai toujours su que j'atteindrais l'amour et que cela serait un peu avant ma mort. Toujours eu confiance, je n'ai pas renoncé. Bien avant ta présence, tu m'étais annoncé. Voilà, ce sera toi, ma présence effective. Je serai dans ta peau non fictive, si douce à la caresse, si légère et si fine, entité non divine, animal de tendresse. Présence effective, je serai dans la joie de ta peau non fictive, si douce à la caresse, si légère et si fine, entité non divine, animal de tendresse. C'était Jean-Louis Aubert dans l'instant rock de cette semaine. C2L. C2L Radio. Depuis Chalette. Entre Loire et Loing. Dans cette ville, au milieu des lumières, je ne peux plus regarder en arrière. Je vais traverser tous les écrans qui s'éclairent. Cet instant, je m'en vais droit devant. J'ai le sentiment que je peux arrêter le temps à travers toi. Je vois le monde autrement. Ichi anata wa kirei, ni shibun no kimoshu tai tai, san aishiteru toki yo. Je peux me balader avec toi en toute tranquillité. Et partout, on s'incline pour se saluer. Dans tout ça, moi je ne pense qu'à toi. On ne sait pas comment demain sera, mais tout va bien tant que t'es là avec moi. Ichi anata wa kirei, ni shibun no kimoshu tai tai san. I still Tokyo. Tokyo, yo, yo. Je m'envole illico. Tokyo, yo, yo. De Paris au Kento. Tokyo, yo, yo. Oh, yo. Oh, yo. je m'envole illico. Tokyo, yo, yo. De Paris au Kento. Tokyo, yo, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, oh, oh. Tokyo, yo, yo. Je danse sur ce nouveau flow. Tokyo, yo, yo. La bouche t'es dans la peau. Tokyo, yo, yo. Oh, yo. Oh, yo. Oh, oh, oh. That's not the soul to send you on those. Salut, c'est Patrice. Je vous donne rendez-vous chaque lundi et jeudi soir dès 23h pour une heure de musique pas comme les autres. Indus, cold gothic, shoegaze, dream pop, dark néo-folk. 60 minutes pour découvrir une autre musique, qu'on se le dise. Bonjour chez vous. De la pop, du rock et des nouveautés sur les ondes de C2L. www.c2l-radio.fr. Some days when I'm dreaming, I think of how far I have come. All my life's led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings up above. All that I want is to see all the things that I could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. We're children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. Children of the sky. Give up hope, though there are storms within my seas. Won't turn back when I lack. Sometimes it's hard just to believe. I've wanted to save us from ourselves. Just wanted to raise up to save us from ourselves. All that I want is to see all the things that we could be. Destiny's calling me. We're children of the sky, flying up so high. Let me be that one to find the brightest sun. Children of the sky, guided by the light. Let me reach new heights, stars amongst the night. When we look back, C2L Radio. Il est 17h. Bonsoir à tous. L'actualité ce lundi, c'est la barre des 5000 morts dépassée dans la bande de Gaza depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministère de la Santé du Hamas, qui parle aussi de plus de 2000 enfants tués sur le front. L'armée israélienne affirme avoir mené la nuit dernière des incursions terrestres limitées dans la bande de Gaza pour tuer des activistes armés et rechercher des otages. Le sud du Liban a aussi été bombardé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion de ses principaux généraux et de son cabinet de guerre afin de faire un point sur le conflit qui menace de s'étendre. C'est dans ce contexte que le président français Emmanuel Macron est attendu demain à Tel Aviv, annonce faite hier soir par l'Élysée. En France, deux adolescents de 17 ans ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur comparution devant un juge pour enfants. Ils sont accusés d'avoir introduit des bouteilles de produits chimiques dans un lycée de Petit-Quevilly près de Rouen. Les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle de chacun des suspects et leur motivation, c'est ce que précise le parquet. Un chiffre dans l'actualité, 64, c'est le nombre d'enquêtes judiciaires ouvertes depuis l'attentat d'Arras pour de fausses alertes à la bombe dans toute la France. De nombreux aéroports, mais aussi des lieux touristiques comme le château de Versailles, ont notamment été visés ces derniers jours. Les médicaments de décongestionnants contre le rhume dans le viseur de l'agence du médicament. Selon elle, il faut les éviter le plus possible. Actifed, Umexrhum ou encore Dolirhum sont notamment notamment pointé du doigt des traitements disponibles sans ordonnance sous forme de comprimés qui peuvent provoquer de graves effets secondaires comme des AVC ou des infarctus selon la NSM. Et puis le club de basket de l'ASVEL, Lyon-Villeurbanne, victime d'une cyberattaque, une plainte va être déposée. L'ASVEL confirme ainsi l'information sortie par voie de presse le 12 octobre dernier et par ailleurs indique qu'une notification de violation de données personnelles auprès de la CNIL a été déposée. C2L. C2L Radio. Je sais pas ce que tu veux de moi, mais je suis bloqué dans un rêve, un mauvais cauchemar où j'avais du sang sur les manos. Le couloir est sans fin, je peux pas m'en éloigner, courir après le temps. Ok, d'accord, combien d'années? C'est pas ce que tu croyais, non, c'est pas ce que tu croyais. J'ai trop vu le noir, je suis sûr de moi. Je voudrais me déployer, on essaie de me noyer, mais je connais l'endroit, mais je connais l'endroit. Je débarque de nulle part en ouvrant les bras. J'ai rien d'autre à offrir à part ce que tu vois. Classifié dangereux en marche des accès. Les boomers ont le seum, mais non, je vais pas te remplacer. J'ai des idées plein la tête en mode méga réquoisin. T'as pas la rêve, tant pis, de toute façon on t'attendra pas. Je respire, j'écris, on valide en deux spies, on collabore en famille. Tu réagis, je construis à moitié mort, mais toujours en vie. C2L. Plus près de chez vous. The love you want was given. You said Chanson connue, très connue. 5 versions différentes, très différentes. 5 versions d'une même chanson, toute la semaine sur ses deux ailes avec Dominique. Dans l'oreille, un succès et ses reprises les plus originales. Ses deux ailes. Ses deux ailes. Ses deux ailes radio. Au cœur de la nuit. Quand les ombres rampent, je vais sur l'appli des désirs qui me hantent. Il a des gants de rasoir, un regard obsédant. Je l'ai vu dans mes cauchemars et mes ressentiments. Je mords ses rêves et son amour coupant. Un homme dans l'ombre de mes nuits, je suis sa victime épanouie. Hey Kruger, tu me perces le cœur. Freddy Kruger. J'affronte mon destin, je trouve tous mes pouvoirs. Un rêve qui me saigne, un mot de ta part. Rejouons la scène de nos jours bizarres. Je tends mes pièges, je refais l'histoire. Je serai le soleil de tes nuits et toi ma victime épanouie. Hey Kruger, tu me perces le cœur. Freddy Kruger. Que tes griffes n'arrachent plus jamais rien. Le monde a déjà trop de victimes. Je tordrai ton cou de mes mains. Faut pas se fier à mon sourire. Tu ne seras pas le dernier défunt. Mais qui sera le prochain? Je te mange tout cru, Kruger. Je te mange tout cru, Kruger. C'est deux ailes. Plus près de chez vous. Tu dis que l'amour existe, que le système Mais je suis Ken, tout le monde s'écrase, tout le monde rejoue la même scène. Mais ça ne vaut pas la peine, pas la peine. Même si tout le monde danse pour ne pas penser, on ne pense qu'à les pensées. Même quand tous ces gosses pensent à tout balancer, c'est du mineur en majorité. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Everybody dance, everybody dance. Everybody dance, everybody. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent tes doigts. Mais moi je danse pas. Je danse pas cette heure, je danse pas les fausses guerres. Je danse pas quand on dit que tout est son contraire. Je danse pas quand ces gens-là claquent des doigts, les aiguilles de fer dans des clés de bras. Je danse pas, danse pas pour le beat qui s'agite dans le ministère Big Pharma. Je danse pas quand la vie s'enterre sous les carrières, leur message d'amour pour la terre. Je danse pas les badass qui défoncent, qui t'effacent, qui t'encrassent l'art, la terre et les artères. En fait dans les lois, voter au pas de loi, dans mes orgies romaines, Paris 7ème. Je danse pas et je prends pas la pause pour qu'on nous fourre des doses sous hypnose médiatique. Les trois singes en laisse pour une presse en spire. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Je danse pas quand ces gens-là claquent des doigts. Je pense pas comme ces tâches qui croient que pour que rien ne s'effondre, il suffit de s'en foutre. Ce cri de la vie que personne n'écoute. Je danse pas pour les masses. Pour les putaclics et les politiques, ils s'échangent des gosses par millions de minois. Mais j'en ai asservi pour les putes à lobby sur Insta. Je danse pas sur la peur, les couvains, les muselières, aux infirmières, les docteurs bannis des médias pour laisser les antennes aux promos de la haine d'un faux candidat. Je danse pas pour ces mioches en pouvoir, des urnes fourrées au désespoir. Je danse pas pour ces sales gosses ripoux qui cassent le vivant. Mais moi je danse pas. Tout le monde danse quand ces gens-là claquent des doigts. Mais moi je danse pas. Les familles suffisent de le faire à ton père. Et se faire le trompeur et terre. Petit tambour en harmonica. te soufflerai comme je t'aime. Et nos larmes emporteront toutes ces peines.